Un mauvais fond qui fond. Pour le fond et la forme, voici le fond qui fait une fondue. Je suis fendu, dur dur de mettre en valeur tous mes atouts. J'avoue comme un tatou les tabous. Je m'enferme à double tour et on me casse mon intimité. Je ferme les volets pour te défoncer. Je m'emballe pour 100 balles, fabrication maison. Mon labo j'expérimente, attention c'est délicat, coupe de courant. Pauvre matos qui le prend mal, perte de données en cours d'utilisation, merci. Règle les affichages sur le frigo, vide, travaille pas trop comme le frigo. C'est pas trop tôt, je trouve du taf comme le décollage pour Perpignan. Idée imposée, c'est du n'importe quoi. Idée statique qui critique, à quoi ça sert, à quoi bon. Le chemin que j'emprunte, c'est pour avoir un atout pour la formation, quoi de plus banal. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Pour un mauvais fond, je fais le fond et la forme. Je fume quelques blondes, merci mon frère. On appelle le voisin pour savoir si je fume prise d'otage. Je regarde la mode sur les magazines de vêtements, toujours au courant, c'est pas commode d'être seul. Qu'elle est belle la celle-là, c'est pas pour toi, n'importe quoi. Qu'elle est bonne cette blague-là. Travaille pas, à quoi bon, j'ai été empoché. Je vais bosser pour gagner ma vie, cela suffit de rester sans rien faire. Faire comme me laisser faire au repas de famille, repas dérangé. Pas de nom d'oiseau, que des noms d'oiseaux. À table devant les enfants, le décibel est fracassé. C'est fait la belle. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Pour un mauvais fond, je fais la forme et le fond. Je parle du passé au présent, si dérangeant qu'elle s'en vante. Devant tout le monde ça le gêne, j'exagère pas et finis les phrases. Si t'es pas de mon avis, je raye ta voiture et casse le parallélisme, c'est si violent, voici le vent. Je règle de le son, je le dérègle, je règle le frigo, on le dérègle, saleté de règles. Je ne suis pas doué, j'en fais mon métier. Allô docteur, j'ai mon cabinet chez moi. Par correspondance, je fais des ordonnances. C'est prouvé et approuvé, à chacun son chemin. Double facette, double visage. Pour un bien, je vote mal.